Hamlet au rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. C'est pas encore la dernière nocturne de l'année, puisqu'il reste encore deux planètes rap. La semaine prochaine, il y aura Sadek qui débarquera entre 20h et 21h. Et puis après, Damso aussi qui fait un véritable carton. Son album est sorti. On passera un extrait tout à l'heure. On va débuter avec, allez, une trentaine, quarantaine de minutes de nouveautés de son rap français. Et puis juste après, on saluera les Bleus. On va leur apporter des grosses vibes pour dimanche. Une sélection spéciale classique de l'année 2000 quand on était champion d'Europe. Ce sera d'ici une petite trentaine, quarantaine de minutes sur Skyrock. Restez bien à l'écoute. Envoyez, bombardez de messages. Le hashtag c'est la nocturne comme d'hab. Le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. Par SMS 41759. Et le son pour débuter maintenant. C'était l'invité de Planète Rap. Il était là tous les soirs entre 20 et 21. Il nous a même balancé un titre inédit de son album qui arrivera à la rentrée. Voici Gizmo et mon CV. 100% rap français. Oh. YW ouais. Gizzy Ouzou. Oh. JP. ZS. Check. Eh. Juste Gizzy Ouzou. Fuck you. Check. Hein? Je me suis défoncé seul avec des spliffs de canin. J'écoutais les disques de maman. Ivre avec un livre, je m'instruis et je bois la tisse de Mada. Je suis artiste, voilà, triste balade. Entre la banlieue et puis les streets de Paname, tu verras que des fils de malade. J'ai presque 10 frères. On a fréquenté les IF et puis la dèche avant que je me retrouve chez les disquaires. Acheter, détailler, emballer, boire au thé à côté du bar tabac ou bien de l'épicière. J'avais des potes, c'était des putes, sa mère. Voulez mes tubes, voulez mes thunes, voulez mes tubes, voulez mes putes, sa mère. Prenez tout ça et barrez-vous. Ça fera déjà ça au moins. Je retournerai chercher le pactole parce que j'ai ça en moins. Et t'es pas loin, t'es juste là. T'es pas plus fort, t'as plus de cash. Et arrête ta complète, j'ai mes squelettes qui ont besoin de plus de place. Truc de barge, toutes les putes me lassent, même les putes nasses. Après les axes spartiates, c'est comme Ayam, elles n'ont plus de face. Je suis un salaud, je sais pas faire autrement. Si t'as un moyen, montre-moi, j'essaye de faire ça proprement. Je suis angoissé par le quartier et ses ruelles sales. Avec l'argent, t'as pas le respect, mais t'as les plus belles femmes. C'est dingue, on se respecte plus, on se déteste, se tue, ça casse des bouteilles. Dans des boîtes pour des espèces de putes. J'fais plus la cesse, j'suis dans ma tête, j'ai pas la bête de vue. Bien qu'on encaisse avec mon stress, j'écris des 16 mesures. Du 10 balles au kilo, gâtier, j'en ai vu des dièses. Des kirikou enfoirayés qui mettent à genoux des brutes épaisses. C'est ça la guerre, manie, face à ces garnements. Fais-moi confiance, dans ces moments tu n'auras guère d'amis. À peine 16 ans que la juge veut me foutre à chalon. J'ai fumé un gros joint, j'ai sniffé de la poudre à canon. Voilà pourquoi j'crache des grosses bastos. Basso, barrio et des affaires, il y en a, y'a du gros matos. Ma sœur me manque et puis mon père aussi. Je me calme les nerfs au shit. Un égoïste qui fait du papier avec un 06. Ma vie m'a déçu. Ils veulent me marcher dessus. Jamais Poucard, jamais Cécile. Je suis sur le terrain, Kalilou, dealer, ça paiera. Y'a Maxou qui veille sur mes reins, mais qu'on va gérer l'ingérable. Allez, clope dans ta bouche, si tu veux jouer les fous. On met tes potes sur la touche, en faisant couler les doux. Et ah, sale menteur, tu nous fais croire des trucs. T'as déjà bavé devant les chemises, t'es craqué devant un sacré huc. Et ils disent tous qu'ils ont du fric, la vie de ma mère que c'est de la flûte. Quand ils me voient calibré, ils flippent. Ouais, sur mon père, c'est tous des flûtes. Ah, ça fait 15 piges que j'ai découvert l'inspi. Des insignes et l'inspi, bénisse ta mère à l'inspi. Putain, j'suis pété, faut me laisser tranquille. Si t'es un gros que tu veux du cash flow, faut me laisser tranquille. Avec ton flot d'occasion, j'suis posé au VLG. Nique la PAC et les RG, demande à Soso Gage. On a des propos sales, pas de trucs mielleux ici à embrouille. Ou bien les Schmitt, on a nos propres armes. J'faisais des chromes de dingue, j'voyais les gros qui stressent. J'suis klaxonné, j'ai charbonné comme au business. J'suis détendu quand j'me tabasse le crâne, encore plus quand j'ramasse le cash. Nique sa mère la pute, te chie dans le fut quand on arrache le mic. Ça sent la tease et la bagarre vers le Vega. Demande si tu veux du vécu. Depuis tout petit, on aimait cras. Ma couille, 20 piges passées, j'ai toujours ma paire de requins. Mon 501 et mon croco pété sous peu, j'écoute Roca. Et tu peux pas me traiter de guédro. Moi, j'prends pas de crack comme au troca. Ramène ton fric, on va guétro. Là, j'ai de la peufra du rock, ma. Et non, j'suis pas débile, j'suis fortement alcoolisé. Si tu veux toucher mes billes, pas justice, pas policier. Le cerveau atomisé, un gros nuage dans la pièce. On est tous vaporisés. Les petits fumax sans cachet. J'ai dû manger illégalement. Oui, les amis, on m'acclame. J'suis pas calme, c'est le vacarme depuis que j'ai vu mon Shinigami. J'ai des sueurs dans le dos, de mauvaise humeur quand je dors pas. Sueur dans le flow, c'est la fureur quand je donne ça. Alcool et bédo, pas les couilles de me répéter. Tu peux ouvrir ta gueule, mes gremlins sont mes CD. Ouais, ils savent que c'est gangsta. easy. Igo, ils savent que c'est gang. Je suis dans ma rue, je suis bourré, je m'en fous. Igo, je me catapulte, je suis fourré dans le zoo. Je te connais pas, sale pute, pourquoi tu veux mon flouze? Gatier, j'ai le cou et le manche. Je suis pas le bienvenu en France, mais j'ai pas changé de branche. Hein, sa cuisine elle craque, demande à ALM. On s'achetait de la bière avec l'argent de la drogue. Je me fais stego par des papis qui veulent baiser papis. Mais je leur réponds, j'ai pas le temps, sale conne. J'ai un nouveau business, je suis avec la menace. On a brassé 20 000, on va claquer tout ça. Des fils de pute parlent sur moi, mais quand on se voit dans la street, eh ben ils me font des broussards. C'est tous des salopes. Tu bosses de midi à 23 pour rembourser tout le blé que t'as mangé. Sous cocaïne et piaf, malheureusement. Tu confonds sans E et sans G. Zone sensible, mon foire, on est posé dans le zoo. Y'a de la cesse, y'a des cloques, v'là la France de l'en dessous. J'suis levé, 9 o'clock, il est temps de prendre des sous. J'roule un G, je le smoke, je rejoins mon gang de fous. Oh oh, qu'est-ce qui se passe, négro? J'te prends ta place, négro. J'te prends ton cash, et si tu clashes, m'en bats la race, négro. Vous allez crever comme des ploucs, serre un revé que j'me shoot, man. J'te jure que j'vous refais comme sur Chouk One. 23 ans et presque 10 000 conquêtes. Moi, c'est pas Jimmy Punchline, c'est plutôt Gizzy Pompette. J'suis défoncé toute la nuit, j'ai les condés sur le dos. J'suis effronté, j'coupe des kills, il faut brasser plus d'euros. Évidemment que j'ai péché, bien sûr que j'ai blessé. Erré comme un fêlé, tu peux pas mêler GPG. Bande de salopards, j'vais fusiller vos clics. Et tant que j'suis pas au star, bah j'vais ruiner vos vies. Ouais, j'suis de la mauvaise graine, et j'pille trop d'engen. J'te fais du sale avec un flow très zen. Tu peux pas m'emboucaner, sache que j'suis enfouraillé. J'ramasse le pactole, j'pars en vacances toute l'année. Bah ouais, Renoir, faut que tu piges, Renoir. Que même si t'as du style, pas plus de style que moi. Bitch ass, j'sors le chrome et ça fait clic-clac. Moi, j't'envoie dormir et j'tire une petite taf. Y et W, j'ai rien à dire. Oh, j'suis perdu dans ma zone et j'sais pas si on comprend. J'ai le sourire aux lèvres que quand je paye comptant. La juge, j'lui ai donné mon temps. Je suis content que quand je paye comptant. Je suis perdu dans ma zone et je sais pas si on me comprend. J'ai le sourire aux lèvres que quand je paye comptant. La juge lui ai donné mon temps. La juge lui ai donné mon temps. Je sais que vous m'aimez pas, c'est pas grave, j'ai mes refrains. Je m'en vais de ce pas, mettre du sky dans un revêt. Je suis déçu, nique sa mère, là je peux crever. Et je mets du sky dans ce revêt. Je sais que vous m'aimez pas, c'est pas grave, j'ai mes refrains. Ouais c'est pas grave, j'ai mes refrains. J'm'en vais de ce pas, mettre du sky dans ce revêt. J'ai tout vu, j'ai tout connu, là je peux crever. Ah, Gizzy Ouzou Sissi Coucou, oui c'est moi. Le petit fou qui emmène ta meuf au cinéma. Y et W, zone sensible jusqu'à l'infini. JP Gang et tout le reste, man, fuckers. Explicit lyrics, la nocturne. Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer l'escortent. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son coup pendu à la corde. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots. J'm'en fous de ce qu'elle veut tant que j'ai ce qu'il me faut. 13 ans déjà mon premier rapport. Depuis mon cœur a fermé la porte. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Après la barquenne je voulais qu'elle disparaisse. Elle voulait qu'on s'aime mais je ne voulais pas. J'étais le dernier à faire le premier pas. Plus les années passaient plus lourde est la tâche. Je la trouvais pas bonne et je voulais qu'elle le sache. Dans la méchanceté je me sentais si bien. J'étais loin d'imaginer son quotidien. Des larmes séchées sur ses poèmes qu'elle m'écrivait. En recherchant plaisir qui dans les tiens. Faut que j'étais comme un allélohème. Scandé par un supporter parisien. Le jour de son suicide je n'en revenais pas. La veille elle voulait que je la prenne dans mes bras. Mais je suis pas doué dès qu'on s'éloigne des draps. Je suis plus dans le suspens et concentre-toi. Dernier message, elle parle au répondeur. Allô Damso, je vais faire sonner mon air. Je décrochais pas, je voulais pas faire d'erreur. Qu'elle me casse les couilles, c'est ce dont j'avais peur. C'était la dernière fois que j'entendais ses pleurs. Elle était morte et pourtant je lui ai dit à tout à l'heure. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier qu'il est Dieu. Depuis je fume pour l'oublier.

où j't'ai hanché dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'suis trop bicol. Bouge ton boule, là j'veux pas rigole. Bouge t'es hanché dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'suis trop bicol. Tu me plais, j'vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête, t'es à ton derrière. Ouais, qu'est-ce tu fais, fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là sur grand-père. Si un jour je la crois, je vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, je fais plus de sport à part quand ça crie à ra. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang, allez on y. Allez le sang. Celle où était tourné le clip là. Photo du 9-5, envoie le message. Planète Rap. 100% rap français. C'est Sneezy, ouais mec. Sadek juste après aussi qui débarque dès lundi 20h-21h dans Planète Rap. Ouais mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le VIP. Yeah yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah yeah yeah yeah. Mec, ouais. Y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le VIP. Yeah yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. J'ai les mains sur ses fesses donc j'écris dans la tête. Y'a la mif dans la merde donc on ramène le bif. Tu fais le dur mais quand ça chauffe t'es tout mou comme les barrettes de shit qu'ils aient pris dans la tête. Aquarium on est 10 dans la caisse. Dirty Sprite y'a du lean dans la taille. Elle voudrait qu'on nique son latex si je demande sa main c'est pour qu'elle me caresse le chibre. On attège les balances qui détestent Esther. Je leur adresse la parole et le respect spire. Tu veux tester le père petit rataille. Tu gagnes qu'une seule bataille pour le reste espère. Ils ne peuvent pas m'arrêter donc ils font du sroll. Ils se demandent qui est le rebelle le plus renom. N'en discute pas comme on discute pas le prix chez Rolex. Si j'ai parlé sur un coup d'aide, je vais quand même tenir mes promesses. Même sur un coup d'aide, je vais quand même tenir mes promesses. Il suffit pas de dire la vérité pour être honnête. Fais comme les grands, on t'étrangle sans les gants. On est dans le temps. Ouais, ouais mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le VIP. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ouais, mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais, mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Hey, rappelle-toi quand t'étais à la mode. Y'a Hasra en parlant décennie. Le liquide est couleur NSI. C'est pas du whisky, non, c'est du thé à la menthe. Un double 9-5, le nom du squad. Fais bellec quand tu parles à la meute. Choisis ton camp ou arrache ta gueule. Frémont et Gildas au fond du square. Tiens-toi toujours prêt pour casser ton tête. Ça sert à rien, mais tu peux ramener ton tiex. L'équipe est massive, ne sois jamais contre elle. On traîne et on traîne et on traîne. Pendant le darama avec mon clan d'arabe, il mérite de finir avec les bouches collées. Quand y'a Heja, j'entends les mouches voler. Quand le calme revient, on t'entend pas mal. J'arrive en Chevrolet Impala. Avec Malik Bentala. Et on roule, on roule, on roule. Toi t'as rancard avec cette fille, mais elle est même pas là. Et ouais, mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais, mec, pourtant je regarde dans le VIP. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ouais, mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais, mec, pourtant je regarde dans le VIP. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Dieu a béni mon équipe. Yeah. Dieu a béni mon équipe. Yeah. Dieu a béni mon équipe. Yeah. Dieu a béni mon équipe. Yeah. Dieu a béni mon équipe. Amen. Rap. 100% rap français. Yo. Sadek et Brelux. Je prends pas de C, les minuit passé. Ma femme m'attend, j'en ai plus cassé. Ils veulent tester, ils auront le cul cassé. Je les graille tous comme des fricassés. Ils sont dépassés, ils voient mon succès. Ils comprennent pas comment j'ai percé. Fallait se lancer, surtout pas sucer. les enfants veulent s'amuser. Mat du Champs-Élysées, j'ai sorti ma bite dans le cabriolet. Pendant que ta clope t'essaye d'allumer, négro, c'est le vent de la gifle du Nord-Ouest. Tous armés comme au Far West. J'fais des trucs, ça fait des années. Pigeon haché, j'ai retourné ma veste. Pigeon haché, j'ai retourné ma veste. J'fais semblant que j't'aime bien, mais en fait, je te déteste, frérot. Zéro mandat portant à l'adresse. J'reste au tiers car y'a trop de boucave à Marrakech, frérot. Tellement je les gagne, ils croient que je triche. Hop hop hop hop, c'est des hata, il leur fait pas la bise, frérot. Ram pam pam pam, j'suis pas sur la piste. On est dans le vip, on prend des maths, tu mets juste sur liste, frérot. Tellement je les gagne, ils croient que je triche. C'était mes grands, c'est devenu mes fils. Ram pam pam pam, j'suis pas sur la piste, non non. C'est des hata, il leur fait pas la bise. Tu parles d'un tel ou d'un tel. Suceur de queue, tu te feras allumer sec même si t'es avec eux. Tu me cherchais, je te rappelle, en deux deux. Je suis devant toi, pourquoi me parler de Dieu? Si ça me fait des rappels, me dis d'arrêter le rap. Pourtant ça le dérangeait à peu quand je leur vendais le crack. Je préfère faire des showcase, ouais, tous les soirs des spectacles. Devant l'OPJ, j'ai pas de stress, tu crois que devant eux j'aurai le track. Je t'explique, hey, y'a rien de compliqué. Tu peux nous niquer ni un ticket ni un briquet. Je t'explique, gros, y'a rien de compliqué. Tu me dis fais comme chez toi, je te traite comme un invité. Tellement je les gagne, ils croient que je triche. Hop hop hop hop, c'est des hata, il leur fait pas la bise, frérot. Ram pam pam pam, j'suis pas sur la piste. On est dans le vip, on prend des maths, tu mets juste sur liste, frérot. Tellement je les gagne, ils croient que je triche. C'était mes grands, c'est devenu mes fils. Ram pam pam pam, j'suis pas sur la piste, non non. C'est des hata, il leur fait pas la bise. On a la qualité et la quantité. Satisfait ou satisfait ou satisfait. Renseigne-toi, allez va vérifier. C'est Dieu qui donne tout ce que j'ai, je l'ai mérité. On a la quantité et la qualité. Satisfait ou satisfait ou satisfait. Renseigne-toi, allez va vérifier. C'est Dieu qui donne tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Tellement je les gagne, ils croient que je triche. Hop hop hop hop, c'est des hata, il leur fait pas la bise, frérot. Ram pam pam pam, j'suis pas sur la piste. On est dans le vip, on prend des maths, tu mets juste sur liste, frérot. Tellement je les ken, ils croient que je triche. C'était mes grands, c'est devenu mes fils. Ram pam pam pam, j'suis pas sur la piste, non non. C'est des hata, il leur fait pas la bise. Sadek, c'est dans les bacs et il débarque dès lundi 20h-21h dans Planète Rap avec Brulux qu'on écoutait à l'instant. Le morceau c'est la bise dans la nocturne dans un instant. Nocturne classique qui débute. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Juste avant un son de Sika et on donnera de la force aux bleus. On va se replonger dans les classiques des années 2000. Année 2000 à l'honneur quand on était champion d'Europe en 2000. Ça arrive juste après le son de Sika. Préparez-vous. Envoyez des messages, le hashtag c'est la nocturne. Ça va faire mal. Dédicace à Clément. Bataris prenait pour un crips. Pendant le ramadan, les caves nous contrôlaient en mangeant des chips. Paris est magique. Paris est magique. Si au détail tu fais partir un litre de mastic. Juste man dans l'auto. Avant de venir fumer qui roule un doré. J'rêvais de baiser. Shakira, Catalan me l'a piqué. Sors de la douche, voilà on va te laver. Même quand je freestyle, c'est pas ta risque de me chasamer. Je crois que je suis rallé. Je crois que j'aime encore l'élé. Mais j'aime trop l'élever et finir à l'hôtel Ibis. Je t'ai fait la bise. Je t'ai fait teaser. Je suis pas là d'un soir sur nous, tel balada. J't'ai baladé. Y'a que chelou,

100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Moi j'ai reçu ta lettre du 25-02. Dehors toujours la même merde, stupide les ragots à rôder. Les gars de confiance me disent qu'on est à Poucave, un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref, on verra après. Mounir m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère. Pas sous la paix, trahi par la raison quand elle manquait à l'appel. Trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris. Berné par la folie et sa présence, tout est écrit de la naissance et son prix. Qu'on la seule et son silence. Frérot, mes mots suffiront pas à scier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier. Touré à de bonnes nouvelles, il se pourrait que Malakit n'enterre à la fin du mois. Louange à celui qui fait avancer. Faut penser à éviter le mitard, qu'on voit nos têtes à la prochaine visite. Comment on peut pas qu'on dise à plus tard. 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. J'suis pas snoop, j'rap sans foot. C'est ce qu'ils m'ont dit, faut que je travaille pour que la pute me donne la condie. Hemi, la Zermi, comme passer les fêtes aux armées. Je gamberge sans mon zoo, là impossible de dormir. Écoute Ali, ça va bientôt s'arranger, enfin je crois. Je tourne avec 2-3 gars du 9-3. Si nos ennemis y'a plus de monde, ils m'envoient pas de mandat. Pourquoi j'écris des textes d'office de menthe. Fait par que l'industrie du disque a saigné. Et que les négros arrêtent pas de signer. J'ai vu les autres au parloir, paraît que ça papote. Bien sûr toujours les mêmes putes, ça sent la douille ma couille. Maintenant je me tiens à carreau, parce qu'au mitard ça sent la civière. Je rêve de baiser l'infirmière négro. Je suis tombé si bas, pour en parler faudrait que je me fasse mal au dos. Putain quelle rime de bâtard. Bref, quand je sors amène moi une petite pute bête sans but. Je la ferai créer du bout de ma longue bite. Quand on va clip ça va être tragique. Panique à la clinique, magique c'est du 11-43 magique. Sinon dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes, tape. Et sur les murs j'ai des photos de taf. Et le matin me guette, porte-clé à perpétuité. Si si, leurs mamans sont des prostituées. Maintenant je sais, je peux compter sur qui. Merci de ton aide, je vais survivre, c'est pas le bled ou la Turquie. La tôle c'est la pression, pour un instant de révolution. Donc nique sa mère la réinsertion. Ils savent pas si j'aurais dû naître. Qu'ils espèrent baiser. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. Encore des semaines en solo, baisse la FM seule. Tous comme des hyènes en chienne derrière des chaînes. Si j'aime qu'on en arrive là, pour que j'oublie, viens samedi qu'on reparle de cette fille là. Dis bien aux dirigeants et à leur môme qu'on a les mains gros, mes yeux verts, dollar gun pour pas que les flics chôme clic. Technique de barbe parcelée, j'harcèle la juge, bientôt j'arrache les barbelés. On a du boulot, j'suis en manque de poulet de goulot. Être content, je te ferai goûter les pâtes au thon, on veut le roro. Seulement si Dieu veut, on l'aura. Pour l'instant, je déchire mes draps pour faire des yo-yo. Salut les man, l'ami, paix à ton âme, la vie. Continue, on voit de la fraîche, que je continue. Terminé, on rentre. Je te charge d'un vrai boulot. À l'atelier de menuiserie. C'est un boulot payé. Combien ? 25 cents de l'heure. Y a pas à dire, le crime, ça paye. Oui, et ça occupe. À tout à l'heure. Nocturne 100% rap français, 100% classique de l'année 2000, quand on était champion d'Europe, avec cet album Lunatique, Mauvais Oeil et La Lettre. La Nocturne 100% rap français. En 2000, il y avait aussi la sortie du Raluciano en solo de la Funky Family. Nous contre eux, avec Saterov à écouter maintenant dans La Nocturne. Je m'en fous, je bloque des heures des fois pour écrire un texte. Et même quand je le fais, je suis pas content. Mais bon, faut faire avec, hein. D'après toi, un jour pourrais-je quitter FF, mon équipe, ma clique, le ref, ma famille et tous les kids. Certainement quand je serai mort, t'en auras le cœur net. Le texte donne une image sombre mais honnête. Mentalité intacte, question de fidélité, toujours en contact. Nique le tact, pour mes chers, ce qui compte c'est l'impact. Voilà un petit classique du genre, envoie quelqu'un acheter un pack. Dégoupille la grenade, faites ça, réveille ce qui roupille. Oublie les jours et les soirs, haine, oublie la routine. Comment l'accoutumée démontrons aux aisés qu'on est très à l'aise et aux zinzins qu'on comprend leur malaise et leurs besoins. Les véritables émotions, les véritables expériences de vie, cousin. Ils bénéficient de toute mon estime. Les gens de la zone savent vivre, et je le dis en toute modestie. Vivre comme eux, c'est la classe, la vraie. Au moins, j'ai ce qu'ils vont au charbon, si ça te gêne, la vraie. Je m'adresse aussi bien aux fans qu'aux indifférents. On a tous des problèmes à des degrés différents. À vrai dire, je t'apprends rien que tu ne connais pas. Mais dire le contraire, je pense pas que tu puisses. Rien à foutre de leur révélation. Et merde, c'est pour quand la révolution? Et mec, nique l'État, ministre, flic et leurs interpellations. Ils aillent se faire mettre. C'est louche. On le dira même en interview. On est fasciné par la classe ouvrière, la vie des voleurs et celle des voyous. Dieu est infiniment grand et ses anges parmi nous. On sait donc ce qu'on a de meilleur en nous. On le dira même en interview. On est fasciné par la classe ouvrière, la vie des voleurs et celle des voyous. Dieu est infiniment grand et ses anges parmi nous. On sait donc ce qu'on a de meilleur en nous. Puisque l'État laisse ses trois calibres, sac le tien en off, range ton calibre, on tient nos roffes, on aime nos rosses. Parler tout et de rien, c'est ça le thème. Mais de rien, ce morceau tu vas le remettre parce que c'est ça le thème. Qu'ils ne disent pas que c'est pas ce que les gens veulent entendre. Ils ne disent pas qu'ils s'attendent à ce que je sois tendre. Putain, ils vont m'entendre. C'est dire ceux qui vendent, qui achètent, qui taffent avec le doigt sur la gâchette. Les braves qui baissent en cachette. Tous mes frères en couchette, morale et santé, mis c'est dur. Ceux qui passent aux assiettes, je souhaite un vice de procédure. Au fait, si tu mets une carotte, on te met une courgette. Le raté ouvert, je te parle pas de couteau ni de fourchette. J'irai toujours aussi loin dans mes propos. Pétasse les gens de propos. Même si ça change rien, c'est pas grave, ça fait du bien gros. Tu m'as peut-être reconnu, mais tu connais pas par cœur. Tu peux pas imaginer la taille de mon amour et de ma rancœur. C'est pas le joint qui se consume, mais le mec qui le fume. Augmente le volume, c'est pas le feu qui brûle, mais le mec qui l'allume. C'est pas la voiture qui roule vite, non. Mais c'est le mec qui speed, c'est pas la drogue qui drogue, mais le mec qui sniff, qui speed, tu gomme. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, ah ouais. C'est pas le distributeur qui fait de l'argent, mais le mec qui attire, bah ouais. C'est pas le micro qui fait le public, mais l'artiste qui attire. Autrement dit, c'est pas le feu qui tue, mais le mec qui tire. Ce 23 juin, j'ai l'aspiration meurtrière. Si longe la rue de ses phrases, tu remarqueras que le meurtrier. Suite au climat, notre vie stress. Suite aux phrases qu'on traverse, place ta verse de phrases qui font le verre. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, m'non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, m'non une vie dure. À ma mort, j'aimerais qu'on dise de moi, on n'a jamais vu ce gangster. À notre connaissance, c'était ni un bandit ni un gangster. Juste un gars quelconque de la rue, gardien de ses frères. Et le peu de bise foireux qu'il a eu à faire l'ont jamais rendu fier. Des jeunes susceptibles d'atterrir en toi, y'en a des files entières. J'en ai été en me faisant coincé par la financière. Ce jour-là, j'ai plus eu peur de la réaction de ma mère que de la privation de liberté de la cellule des barreaux en fer. Avec du recul, c'était même pas de la survie. J'ai toujours bouffé à ma faim, je pense même avoir été bien élevé. J'aurais tout gâché comme ces gosses de riches qui ont tout pour être heureux. Sauf qu'à la base, j'avais moins que, mais je suis pas plus con. Je vais pas dire quoi, alors mieux ni m'affoler. Je sais ce qu'il me reste à faire pour me payer tout ce dont j'ai tendance à raffoler. Depuis que j'écoutais à l'argent de ce rap, je peux plus m'en passer. On m'a pas demandé de rester pauvre, mais juste de rester vrai. Ma jeunesse, plutôt la gâche, j'ai créé un enfer du tout. Je me le dis chaque jour, des jours pour les yeux, dès que j'écris un truc sans détour. Je pense que je vois les miennes traiter inégalement. Poussé à prendre des risques et à vivre illégalement. Nos vies ressemblent à des films, John est le scénariste. On est dans le couloir de la mort, mais est-ce le diable qui le réalise? Si mon heure est venue, j'ai pas dernière volonté. Qu'on en finisse, qu'on en parle plus. Toi, quand dis-tu merde? C-R-O-H-W-F, Luciano Sat, l'artificier, section nique tout F-F. Ma fièque est une fille. Dédié aux gens durs, mais non une vie dure. On reste honnête du moins tant qu'on peut. Si on prend des risques, c'est pour garder le rythme. Nique l'État, c'est nous contre eux. On reste à la hauteur des circonstances tant qu'on le peut. On compte tout sur nous, vu que pour en compte peu. Ils peuvent nous voir, mais y'a pas besoin de leur amitié. Ils veulent pas savoir, mais ils veulent pas lâcher la moitié. Ces enfants, ils veulent pas nous croire, car ils ont d'autres projets. Ils sont pas d'accord, ils ont le pouvoir de nous faire plonger. On reste honnête du moins tant qu'on peut. Si on prend des risques, c'est pour garder le rythme. Nique l'État, c'est nous contre eux. On reste à la hauteur des circonstances tant qu'on le peut. On compte sur nous, vu que pour en compte peu. Ils peuvent pas nous voir, mais y'a pas besoin de leur amitié. Ils veulent pas que ça fasse, veulent pas lâcher la moitié. Ces enfants, ils veulent pas nous croire, car ils ont d'autres projets. On n'est pas d'accord, ils ont le pouvoir de nous faire plonger. On n'est pas d'accord, ils ont le pouvoir de nous faire plonger. On n'est pas d'accord, ils ont le pouvoir de nous faire plonger. On n'est pas d'accord, ils ont le pouvoir de nous faire plonger. On n'est pas d'accord, ils ont le pouvoir de nous faire plonger. Dédié aux gens durs, m'non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, m'non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, m'non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, m'non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Nocturne classique à l'instant sur l'album du Raluciano avec Sap, Nous Contro et Rof sur ce morceau. On reste dans les années 2000, était sorti l'album d'Expression Directe. Alors ce morceau date un petit peu quelques années auparavant, année 2000, était sorti aussi sur la bande son du film La Haine, mais il est rajouté à l'époque en 2000 sur la sortie de leur album Expression Directe. Mon esprit part en couille. Planète rap. 100% rap français. Express D dans la nocturne. Classique des classiques. Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double F n'est pas du tout, tout, tout comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 quarts, le cosse à la caïra. Mon cerveau a déjà élaboré des plans de chara. Doit t'aider d'une habilité intarissable de connaissance. Cœur tracé, moi t'emmène dans l'autre sens. Je n'ai plus aucune chance de crever de mort naturelle. Toujours, toujours de plus belle. Suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis, je veux quand même des nages. Et je vis toujours plus sans. Le deal et le gun, c'est notre dernier nespi. Je ne veux plus tenir les murs de notre Tessie. Ne crois pas que je vais faire un stage à Bois d'Arcy. Trop bête de béton pour un vulgaire larcin. Je ne veux béton que pour quelque chose qui vole bel et bien la peine. Béton pour avoir tué 3 ou 4 personnes à peine. Qui aurait voulu du mal à ma première mi-fa, à ma seconde mi-fa, Tintin, Woody, Delta. Mais n'oublie pas, ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est qu'il y aura tout le temps derrière moi, ma smala. Le sacré, sacré phénomène a vécu comme un kiss. Un KI double S, fils du vice impliqué dans le biz. Quand j'étais jeune dans la rue, j'ai su que dans la banlieue, on s'en sortir de vos êtres vicieux. C'est la vie facile, Nesby et Jean. Tu deviens une menace pour toute la ville. Un gangsta style où je me montre habile. Le païen flip quand je trip, il a peur que je lui rote casse son shit. Non, ça c'est l'heure du business. Pas de promesses, des marocs cachent tout en espèces. Car j'aime la thune et hey, je veux faire fortune. Sans travailler comme un yinche et subir le stress. Les kiss démons peut-être à l'œil, en tout cas sont jamais venus à mon seuil. Pas de preuves mec, non pas que je sois honnête. Mais le TIN est vicieux et malin. Pourtant le quartier en a baisé plus d'un. En va et viens entre la maison et la zonzon. Putain j'y ai pensé, aucune envie de plonger. Surtout que ma mère me disait le quartier pourrait aussi t'inspirer de tromper. Un quotidien malsain sur les bords de cette cité. Le Val fourré, tu en as sûrement entendu parler. Dans la soirée, quand les halls d'entrée sont bondés, aux heures de pointe, impossible de respirer. Ouais, qui est dans le Z, le mec? Qui a du business ici, là? Moi! Et j'ai longtemps opté pour ce choix, qui te surcroît. Ma porte la Yaska, 3 cacos, la Kaira. Qu'est-ce qu'il y a sur les points? Baisse ça! Pourrait peser le pour, le contre, le pour, le contre pour me rendre compte qu'en fait mon esprit part en couillade. Fou de la trouille, il n'en faut pas. Devant, derrière, à droite, à gauche, regarde si on ne te voit pas. Cool sur de toi, fais tes affaires, tape des fans du style. C'est bien viscère, s'il insiste, tu insistes, tape le vice. Il est bien compressé. Joue la à la kiss, joue la à la kiss. Ouais, mais c'est un peu léger. Ouais, mais la prochaine fois, je te servirai mieux, ok. Enfin, rock, carotte, carotte, car comme un très bête, tu t'es fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Il t'avait pas tout. Ton genre, mais tu ne le diras rien, tu te la joues, tu ne fais rien. Mais tu ne le diras rien, ne joue pas les malins. Amante, la loi du plus vicieux et respect. Emblème de l'esquive, des contrôles te respectent. Hey, bah qui vous le capalé comme ça? Moi? En capalé, parlez-moi énervé. Bah tout le monde qui a pensé, c'est couillon qui fait nous net. Net Subaru, je le suis depuis que je suis tout petit. Ce doit être ma couleur qui favorise mon. Pense pour le funky style, l'homme qui vient de la Martinique. Trois carcos, la racaille. Rêve de vivre au plus haut. Devine le banditisme. De l'argent plein les chevaux. J'attends le paroxysme. Pas de soucis, hein, oui, des express dit. Pense à toujours de Nesby pour devenir très chéri. Je sais que je ne suis pas un honk. Donc, mettre mon intelligence au service du crime n'est pas quelconque. Ainsi, j'ai d'abord des plans de cage, bras de ce cas. Sous la médusée des tarbes. Le nez sous barou devient fouve d'un souffle des coups. Le devient du fun que je l'avoue, le prix par an. Yuku. Sous mon corps, ça style-y. Ne chier. Pas de 10 minutes, ça m'est funky. De bé. Écoute plutôt ma philosophie. Elle me vient de nombreuses observations que j'ai fait sur Mante la Jolie. Celui qui fait de longues. réussit tant bien que mal à se payer une villa dans le sud. C'est lui qui n'aime pas l'école et préfère le Nesby. En fait de même et quelqu'un le change des zombies. Oh, je n'ai pas fait d'études, mec. Et j'aimerais avoir une bonne provision pour faire mes chèques. Un beau garci, une Mercedes, des nœuds, j'ai plein mon duplex pour que je leur tape les fesses. Frère, il faut que j'y arrive dans tous les moyens car mon esprit part à la dérive. Mon esprit part en... Classique année 2000, l'année où on était champion d'Europe pour soutenir les Bleus ce soir dans la nocturne. Classique, classique. 100%. Planète rap. This is. Putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Le bouffe de derrière m'insulte et me traite de con, j'en ai trop. Je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph, rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Y'a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à McMorning, s'il vous plaît, quand elle me répond. Trop tard, désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, eh bien le McMorning, c'est fini, je lui dis. Quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je vais à Morning Salé. Vous savez, celui avec l'œuf. MD. Il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Appelez-moi le patron. Le patron n'est pas là, ajoute. Allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, 2 secondes, seulement sac à calibrer la boîte. Les gens derrière, que t'es si impatient, maintenant c'est carte. MD. Ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir. Y'a plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac Morning où je tire. 3 minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Juste un Mac Morning. J'pète les plombs, putain j'pète les plombs. Putain j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors on sort. J'pète les plombs, putain j'pète les plombs. Putain j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors on sort. Alors que je suis recherché et que les keufs me traquent. Black, une meuf me drague, la go blague me dit des trucs vagues. Tu sais que t'es un beau black quand j't'assure sans deck. Dès que j't'ai vu, j'ai oublié mon mec. De qui tu te manques? Toi tu veux ma quéquette. Tu veux que je te fuck? Je dépense plein de petites pépettes. Une fois les vite, je porte le même jean. Tu mets au beurre tes copines avec ma maille. Vous direz chin chin salope. Va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex-femme a fait pareil. Alors tu peux tailler. Au moment où je dis ça, le métro s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle m'a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire. Pour qui tu te prends? Mais c'est normal qu'elle t'ait chié. De toute façon avec ta tête de con, t'as du tout lui acheter. Et là, je suis un beau blague. J'pète les plombs, putain, j'pète les plombs. Putain, j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma foi, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors mon sort. J'pète les plombs, putain, j'pète les plombs. Putain, j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma foi, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors mon sort. Je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sandwich. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée, ils me disent sexy, qui s'énerve tout seul. Me sort un mousse, fait le ouf et d'après lui m'impressionne. J'suis godin dans ma tête. C'est fou dans sa tête. Je lui réponds, putain, espèce de saltimbanque. Arrête ton bluff, mec, tu crois que tu braques une banque. Range ton canif, je sais pas, va faire une manif. Va t'acheter un soutif, espèce de petit travelot chétif. Hey, mais attends toi, tu viens de quel quartier ici? Faut payer pour sortir entier. J'ai dit, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers sont en guerre. Attends, je vais te payer après tirage. Hey, il sort mon sac de hockey, un harpon, il me dit. Ah bon? Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors mon... Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y casse-toi. Arrivé à 100 mètres, ils me font des doigts. J'pète les plombs, putain j'pète les plombs. Putain j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors on sort.

passion pour le nouveau millénaire. Mêlé, millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, y'en a pour les jeunes, pour les vieux, pour les hommes, pour les femmes. Les carottes de l'an 2000 se vendent comme la bonne gamme pour les forts, pour les faibles. Pas de changement dans les règles. Juste un décompte bidon, personne de fausses illusions. Ce soir, c'est Kissman, j'ai trouvé un costard 3 pièces. Ça fait gonnerie les potes, tout à l'heure, ça faisait frais, mais là, ma maîtresse me tape les mêmes faces que le week-end dernier. Et toi, tu viens là me demander si ça a changé, ouais, c'est ça, santé. Éclate-toi, contradictoire d'un point de vue net. Bayonne tes poumons, ton foie, on est là. Santé, je t'aime, merci d'être là. L'année va être chargée, faut que je laisse du neuf à la famille. J'avoue que je suis rabat-joie, mais putain, je pose un abat-jour. Si t'as une idée du genre et si on s'aimait pour toujours, y'a qu'un soir par an que la paix embrasse les foules. Comme par hasard, y'a que ce soir que ça embrasse les fous. This is pour ce qui est de mes décisions. Fais pas comme ces idiots, parle pas de résolution. L'an 2000 pour moi, c'est comme un lundi, le nouveau millénaire. Pas besoin d'une date pour parler de paix, ça m'a mis. Un texte, pas de mystère. Feuille blanche, tout à refaire. Les pièges restent les mêmes. Ce nouveau millénaire. Solution pour le nouveau millénaire. Mêlé, millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mêlé, millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, millénaire. Aujourd'hui, notre bonheur c'est quoi? Détenir un bien qui n'appartient qu'à soi. Posséder, hey, ce que l'autre n'a pas. Toujours obsédé par ses mêmes raisons. On prend des bonnes résolutions, en fait on change pas. Où est-ce qu'on va? Ma santé, ma tue, ma gueule et les autres on verra. Faut pas le faux, c'est ce que tu dis au fond de toi. Égoïste, mais s'il faut être optimiste, je peux. Si je picole et je crois que tout le monde ira mieux. C'est ce que je veux, mais y'a rien qui change au 31. À base de continuer à être bon, j'irai te faire bien. Je veux croire dans un excès. La scène m'appelle déjà, mais rends-moi s'élever. J'ai dû me délaisser. Résolution pour le nouveau millénaire. Mêlé, millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, millénaire. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mêlé, millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Le collectif One Shot, millénaire, Nocturne Classique 2000. Pour fêter les Bleus en finale, nouvelle page à écrire dès dimanche. Une émission spéciale dès 20h45 sur Skyrock avec toute l'équipe. KDD, dédicace à Toulouse. Qui tu es dans la Nocturne 100% rap français? M'embarras de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? M'embarras de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? Ouais. Qui pourrait me stopper après tant d'années? Tu ramènes de rimes, dis-moi qui pourrait me tester. Tu m'as détesté, mais ça m'a pas lesté. Dans ta tête, dans tes veines, nous nous sommes incrustés. Salaud, mes rimes sont des hypercutes. Chacun de mes vers, c'est des culbutes. Frappe fort, tape fort. Corps à corps sur le mic, Diesel devait hardcore. Tu me hais, je te hais. Tu te moques, je me moque. Tu t'en fous, je m'en fous. C'est pigé. Qui est tout pour parler? Moi, ma vie, c'est 100% d'enfondant, carrément acharné. Alors, blague pas, jacque pas. Si mon style te dérouille, s'il te plaît, braille pas. Tu veux qu'on se moque sur l'heure de braille, toi? Si ce beat est trop rapide, alors taille-toi. Bastonner, on va se bastonner. Pose ta plaquette en pistolet. Beaucoup de points va t'en rafistoler. Toi et ta dégaine de pistonner. Bastonner, on va se bastonner. Montre que j'en ai les basses DJ. J'ai besoin d'un truc frais. Pour le succès, pas besoin de sucer. Je prends l'homme et pas l'officier. Tête, balayette comme un homme frère. Mano, monsieur brigadier. Tête, balayette comme un homme frère. Tu peux te dégrader, viens me regarder. Sans ta plaque et ton pistolet. Bastonner, on va se bastonner. Pose ta plaque et ton pistolet. Mon paras de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? Mon paras de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais c'est ce que tu fais, tu veux tester. Vive comme un coup de boule, j'tape dans ta face. Mes phrases éclatent dans ta tête comme un verre qui se casse. Je t'attrape et te bats comme une grosse caisse. Pourquoi tu paniques, t'as pas d'espace. Mon style est comme un low kick qui frappe à l'oblique, explose tes oreilles comme une otite. Plein de sang, plus de dents, frappe sur le beat. Ne conteste pas la puissance de ma clique. Moi, je connais mes droits comme un Black Panther. T'as les nerfs quand je déploie mon arrogance. Que veux-tu, les temps changent dans la douce France. S'incliner les jeunes n'en ont plus l'obligeance. Y'en a marre des regards à la con. Des contrôles à la con. Des pressions à la con. Rien à foutre, tout le monde peut le faire de mettre des claques. Si tu blagues, je te plaque à la Intamac. Cherche pas, nous on lèche pas, nous on flanche pas. Négro qu'est-ce sur le mic, capable de Delta, ouais, on ça. Ouais, tu dis que ça, tu me dis que ça. Reste de la comédie, ça. Cherche pas, nous on lèche pas, nous on flanche pas. Négro qu'est-ce t'as sur le mic, capable de Delta, ouais, on ça. Ouais, tu dis que ça, tu me dis que ça. Reste de la comédie, ça. Pose ta plaque. Pose-la, pose, puisque. Viens. Toi et moi. Tête, tête. Viens, je t'attends là, viens. Comme un homme, frère. Comme un homme, viens. Jouez l'homme quand on est armé, posez dans vos armes, monsieur l'officier. Jouez l'homme quand on est armé, posez dans vos armes, monsieur l'officier. Jouez l'homme quand on est armé, posez dans vos armes, monsieur l'officier. Bastonner, on va se bastonner. Pose ta plaque et ton pistolet. On parlera de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? On parlera de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? On parlera de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? On parlera de qui tu es. Tu veux tester? Je sais qui tu es. Tu veux tester? Je sais où tu es. Tu veux tester? Je sais ce que tu fais. Tu veux tester? Rap français, planète rap. La nocturne. Yeah. On reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé d'une part de vérité. Je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public. On qui nous donne la troquin MC. Chacun de nous est magique. Personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien réalise et combien meurt trop vite. Je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité. Je peux pas couler aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public. Pour qu'il n'y ait de la croquin MC. Chacun de nous est magique. Personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien réalise et combien meurt trop vite. Le rap aura donc tu peux prendre la caille et dire ouh. Ce mec tient le coup, son histoire n'est pas floue. Ouh, on peut le check. On peut lever tout où, où sont les albums du rappeur Fatou, sont les albums de son coup. Assassin, futur incertain, mais peu de position sur le terrain. Quand le hip-hop devient moyen, on donne les biens aux gamins, aux gamines, aux anciens, on fait un mine. Working, working, sur la toute égarcée, si c'est jumping, jumping. Mon expression vaut toutes les manifestations. Et quand je crois ta station, on se souvient de ma prestation. Rappelez-vous qu'avant, aucune radio ne jouait du hip-hop. Et aujourd'hui, ils veulent tous transformer notre musique en pop. Une blessure, ma charlie, une caisse claire. Plus de 15 ans de carrière, la justice dit toujours sa mère. Yeah man, faut être sérieux dans nos affaires. Je veux plus de fer sur les dance floors dans les enceintes pénitentiaires. Des crews hardcore qui résistent dans la misère. Notre musique est populaire, au gros sens, la histoire en fière. C'est la musique pour les remblais, c'est les clones ou les escapés. T'as souple, j'ai tapé pour tu qui va m'écouter. On reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité. Je peux pas couiller aujourd'hui. J'en sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public. Pour qu'il n'y ait de la croquin MC. Chacun de nous est magique. Personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite. Je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité. Je peux pas couiller aujourd'hui. Trop de gens sont concernés. Tu m'as pas compris, quitte trop tôt. On verra qui sera joie pour et qui sera une part des tristes ghettos. Qui sera un vieillard amer baignant dans sa solitude. Ou un jeune combuté pour une histoire d'attitude. Qui sera un père respecté pour sa servitude. Celui humilié par ses enfants qui sont devenus trop rudes. Qui venant des quartiers ne pourra plus y mettre les pieds. Le temps parle pour l'histoire et un jour de l'histoire jaillit la vérité. Les gens meurent dans la rue, personne pour les relever. La mort est une réalité et chez moi on essaie de l'éviter. Mes frères, mes poules, arrête de me s'écarter que nous pour y retourner. Merci à la femme que j'aime d'être à mes côtés quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin de pleurer. Quand j'ai besoin de la serrer, de l'embrasser, toi-même tu sais. Mon frère regarde sa direction, gagnant maturité. Toutes les policières que je représente pour elle un danger. Jeune homme issu d'un quartier populaire éclairé par la lumière que la paix peut amener sur les jeunes frères égarés. Mais ici c'est la guerre, on est un vif jeune perdu. Donc on reste sérieux et on fonce dès les murs sur l'avenue. Ouvrez les portes, tout mouvement que le monopole du show business. C'est assassin crew qui résiste, personne peut tester. Je veux de la chaleur, de l'amour et de l'amitié. On reste sérieux

Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. J'ai traîné d'eau fraîche, d'illicité de péché. Mon seul taf, j'rappe sur SP12 MPC. J'vois pas mes frères agir à jeun sans le bise, incapable de survivre. Je lève le matin, mais juste pour pisser. Les soirées sont chèques et sont que j'n'ai. J'donne mon asque pour kiffer, j'dois me défoncer au whisky. Du son pour les roues, un putain de flot de banlieue pour les roues. Berné gros pisse et les terroristes. Éclate à location, insertion. Sous pression comme nos consommations, des consorts, bedaf comme si c'est permis, la visser. Les griffes avec du vernis string 90C. Suicide à la HIA. Trop fire pour aller prier. J'ai peur de crier quand je vais griller. 92 hardcore. Depuis le jardin, des dents, j'avale une bouteille. Et je m'endors avec du bouteille. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Comme deux, je progrès. M-A-M-A-D, pas de rescapé. D-R-Y. Intouchable, les points sur les i. Et je t'affranchis, ensuite je poursuis. Apprécie le flow, je viens lui faire son autopsie. On met un terme à ta vie, c'est ton avenir, ton éclaircie. Trois balles dans la vie, tu te rappelles, tu s'enfuis. Trois balles à l'appui, mafia tient prix, on te refroidit. On va poser les points sur les MC. Je découpe à l'aide d'une scie, je fais du boulot très précis. Même les keufs sont surpris de la manière dont je me supplie. Je les aime si on vit pour qu'ils racontent, les autres ont subi. J'ai détruit la scène comme un récit, la foule de bandits, c'est strati. Est-ce qu'on t'a dit, je vais être choisi. Brise les interdits, c'est pas ma faute, la rue m'a choisi. Et je manie, oh MIC, le vocal fusil. Assorti de vrais bats, vite l'intérieur de l'infernal Uzi. Et ici, reconnais le son, les caves de Tessie. Kiffe le style de soldat, tiens fruit, qui marche au Uzi. Les points sur les i, les bars sur les t, beaucoup d'MC vont sauter. C'est dans les caves de la cité que je n'ai pas cessé d'insister. La rapacité pour survivre n'est pas assisté. L'équipe à sa manière a dû lutter pour le bon côté. Rester côté et mettre les barres sur les T. Les points sur les I, Gali pas loin planqué. Les points sur l'ennemi. Notre unité, capacité à dynamiter. OC4 façon démon one, formalité. Évitons d'être tenté, j'attends pas ta santé. Illimité reste le mot d'ordre des victimes si t'étais à deux doigts de morfler. T'es à deux doigts de perdre tes 10 doigts. T'es dans de beaux draps pour avoir testé le croc implanté. Ton cas on va le traiter, le passé en priorité. On va mettre les barres sur les T, on sera enchanté d'exécuter, ce n'est qu'une formalité. Avec mes 5 seuls doigts et mes 10 soldats, je me dois représenter pour la quinzième fille. Mets-toi un gros doigt, si tu crois tu peux faire mieux ça. Ne monte pas du doigt, parce qu'au bail qu'on déchire ça. Laisse-moi affirmer beaucoup d'M6 sont des transsexuels. Dans le mouvement, les PD se comptent à l'appel. Je pense qu'on se citerait pas de monde d'ailleurs, ce n'est pas la peine. Un problème, on coupe en rondelle et on jette à la scène. Dans un sac poubelle, à ta vie on met un terme. À bon terme, tu feras plus du rap de merde. Et si je m'énerve, un conseil investi dont je m'énerve. Dédicace à la Montana, celui qui t'a laissé des séquelles. Je m'en vais citer, dans ma lancée, viens pas tester. Mec de Jacques Cartier, je représente ma putain de cité. Qui ça, DRY, qui est celle de Dixa. Ces authentiques flots, soldats venus d'Afrique, c'est inutile de jouer au plus futile. Encore faut-il posséder le projectile. Encore faut-il posséder le style de killa. Hostile, contester cela. On matraque l'audimat. Les faux MC MC on s'abatte. On monte chez Watt à toute pompe. Et s'il le faut, à coup de batte. Car personne pour qui j'agresse ça. Ta bouche se casse ça. Et cette fois, on passe à le sol. Les bouches se croient ça. Le sol, les bouches se froissent sur les fesses. On va mettre. Les points sur les fesses. Sur les fesses. On va mettre. Les points sur les fesses. Sur les fesses. On va mettre. Les points sur les fesses. Sur les fesses. Je fais ça. C'est quoi? On voit ça le sol. C'est bouche de ça. Personne ne sait déjà que ça. Bouche de ça. C'est quoi? On voit ça le sol. C'est bouche de ça. Rap français, planète rap. La nocturne. Les profs me disaient, Haroun, t'as la tête dans les nuages. Aujourd'hui j'ai les pieds sur terre et je t'assure que j'aurais voulu rester où j'étais jeune. Inconscient, je vivais au jour le jour. Je voulais pas connaître cette merde, mais la rue a fait tout pour. Aujourd'hui je côtoie les dealers de cam, les voitures qui crament, les frères qu'on condamne. Et avec tout ça, les bas années que l'on m'a dit d'ouvrir les yeux, c'est ce que j'ai fait, des fois je le regrette. À quoi ça sert si c'est pour voir à quel point on nous rejette? S'il y a pas de place pour tous, alors on se marche dessus, on se lâche. L'issue scolaire quand t'as l'argent sale, et ben tu craches dessus. Et c'est ce qui nous rend vulnérables face au FN. Quand y'en a qui jouent les gangsters, y'en a d'autres qui vote Le Pen. C'est toujours le même problème, le même boulet qu'on traîne. Le cliché du délinquant qui vient semer sa haine. Ramène sa haine, sa peine. Dis pas amen, ça commence à peine. Derrière chaque caisse qui crame se cache une voix qu'on entend à peine. Des vies gâchées, des lois bafouées. Ça commence tôt l'inégalité. Écoute ça, cousin. Les profs me disaient, ferme-la ta grande gueule, forme-la. Impertinent, finissez forcément par sort de là. Personne se souciait de ma vie en dehors des cours, en dehors les coups. La vie fou nous rend des fous. Du mal à être clair, fixe mec clair. Pour les rendez-vous, y'a rien à faire et dans les rangs j'étouffe. Donc seul errant dans les couloirs défigurant les porte-manteaux, frappant en porte des cours partant, courant à la ouf. Personne ne m'entend, tout le monde me conseille. Plus pour très longtemps, ce soir je passe au conseil de classe. Il faut que je change de place, comme si changer ma place en classe allait changer le fait que je tiens pas en place. Comblé, ce vide que rien ne remplace. J'avais du mal à marcher, l'orientatrice m'a mis dans une impasse. La rue est pleine de talents gâchés, et quoi qu'il se passe, y'aura pas de place pour tous, quoi que je fasse. On m'a dit d'ouvrir les yeux, je les ai ouverts, mais tu me connais. Maintenant qu'ils sont ouverts, faut pas me taire, faut pas déconner. On m'a dit d'ouvrir les yeux, c'est ce que j'ai fait. Des fois je le regrette, à quoi ça sert? Si c'est pour voir à quel point on nous rejette. On m'a dit d'ouvrir les yeux, je les ai ouverts, je l'aurais pas su. Si je l'avais pas fait, je serais dépassé, déçu. On m'a dit d'ouvrir les yeux, je les ai ouverts et j'ai vu l'issue. Ils savaient pas que c'était ça que je trouverais. T'as vu? Tu sais l'effet que ça fait d'être le bouc émissaire, se faire embarquer pour que dalle, servir de plat au commissaire. Tu sais l'effet que ça fait, ça fait monter tes nerfs quand ils font vite tes poches et sur le sol pose tes affaires. Tu sais l'effet que ça fait, alors tu sais aussi ce qu'on ressent. On m'a dit de rester honnête, mais on m'affiche quand je suis innocent. L'effet que ça fait, c'est pas un truc récent. Un système oppressant, un besoin trop pressant. Entourage trop stressant, niveau de vie en dessous de 100% de ceux qui vivent ici habitent dans un logement décent. Appartement récent, austère et angoissant. Le silence on fait sang, tu les entends. Ils disent pour s'en sortir faut du fric, pour du fric faut un travail. Faut un travail cartonne à l'école, mais l'école nous fout sur la paille. Alors les plus chanceux grattent le SMIC pour essayer de trouver la faille. T'étonnes pas si les autres volent. Qu'à nous tous on sème la pagaille. Dans un pays qui sans cesse critique, à la queue de la racaille. Non tu trompes lisse, on n'est pas fou, on a le feu aux entrailles. Fab Haroun dans la nocturne 100% rap français. Explose, on expose nos thèses. On expose nos thèses. Explose, on expose nos thèses. On expose nos thèses. Explose, on expose nos thèses. On expose nos thèses. On expose nos thèses. On expose nos thèses, explose. On expose nos thèses, on expose nos thèses. Planète rap, 100% rap français. Secret de connexion aussi en 2000, le morceau La Routine. Ah. veux vivre autre chose que la routine, voir autre chose que du béton. C'est pas que j'ai un plein, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Mur délabré et paf toc, c'est qu'à niveau encombre et type d'environnement et de contexte m'inspirant qu'à esquiver. Et me demande pas pourquoi je n'ai pas le sourire, les tours me dépriment à mourir, à me pourrir l'esprit. J'suis obsédé par l'envie de partir, t'as pas vu le délire. Les frères se montent dessus et se déchirent, attirés par le bise et poussés par la fainéantie. Je veux réunir mes forces, bomber mon torse et me dorer en Corse. 19 piges que j'en bave à la 20ème, faut peut-être que j'amorce, que je change de paysage. Je m'écarte de l'engrenage, je compte pas finir ici et encore moins sombrer en cage. C'est les nerfs et la déprime qui me poussent à écrire. Quand je respire l'air pollué de Paris et que je vois le shit bouffer mes frères. Mais regarde si c'est pas triste, ici les tours poussent comme des fleurs. En grandissant je me dis, ouais, la France est peut-être à l'heure. Et me demande pas pourquoi je n'ai pas le sourire, je sais pas quoi demain est fait. Y'a ceux qui luttent pour s'en sortir et ceux qui ont tout hérité, qu'on rien mérité. On part pas tous à égalité, mais nous peu qu'on a, au moins on peut dire qu'on l'a gagné. On fait avec ce qu'on a tant qu'on n'a pas goûté au luxe. La richesse pourrit l'esprit, la pauvreté l'endurcit. De manière que je sois pauvre ou riche, pas d'important, je réussirai, c'est promis. Je lâcherai mes faces au chromis, pas besoin de rajouter de Tommy. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera l'affaire. J'ai tellement de choses à dire que j'arrive même plus à me taire. Je veux me casser d'ici, ce soit en première classe ou en charter. Pas de l'âme, c'est ici, d'overdose, ni même à la guerre. Je m'investis dans le pleura et c'est comme ça que je fais mes affaires. Je m'accroche à un but précis, solide comme un récit. Récit réfléchi, paraîtrait même que j'ai l'air agressif. Imprévisible, secret de connexion, indivisible. Jamais dans la tendance, mais toujours fixé sur la même cible. Ouais. Paris me lasse rien qu'à l'odeur, ça sent l'accro et le receleur. Je vais vivre autre chose, une vie meilleure, ici le bonheur n'est pas à l'heure. Paris, capitale du vice où j'essaie de prendre de l'ampleur. Sans tomber dans leur piège pour ne pas finir bandit ou voleur. Appelle-moi le trouble fait quand je viens cramer tes ambiances foireuses. T'as vu la merde que c'est pas une solution de faire mes lieuses. Tourner sa veste et son dos, jeter ses projets à l'eau. Se saouler tous les soirs et se prétendre être au bout du rouleau. On est plongé dans le décor où les gens droits ne restent pas longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas chômer et s'en sortir le plus rapidement. Rapidement, ouais. Secret connexion, génération, qu'est-ce qu'il y a? La nocturne. Il possédait un pouvoir effrayant. Faf la rage sur Iken. La garde meurt mais ne se rend pas. Ça aussi c'était en 2000. Classique dans la nocturne. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie pas. Ta route s'arrête là au bout de mon sabre. Les sages qui entrent ici le savent. Les braves sans une larme sacrifient leurs âmes. Et tu prêt pour ça. Vivre où la rose ne pousse pas. Tenir le micro comme un katana. Briser l'ennemi en combat. Les plaines pliront sous nos sabots. Qui pliront ses nabots. Tremblement de terre c'est haut. L'obscur lâche ses héros. Incandescent de l'âme. Maître de l'art ancestral. Expert en technique martiale. Te voilà duc de Nottingham. Comme Sherwood Mars. Bastion de la rébellion. Prêt à guerroyer contre la répression. Sanctions de consommation. Nomme des témoins. Donne leur pour la confiance. Fondation, le fief, pour une démonstration de notre dévotion. Armée de Stormbringer, la peur se tire. Belle journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, oxyre. Jouir, mourir avec le sourire, finir l'épée au poing. Tête de MC dans la main, oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un joint. Mais le triste sire aspire à conquérir la terre. Rassembler les légions sous la bannière de la maison mère. Embrasser vos fermières, l'odeur de fer dans l'air. Annonciateur des flammes de l'enfer, veille l'esprit de vos cimetières. Celle Minamoto, je brandis mon tantôt bien haut. Kama entre les dents, les rançons de la charge sur Umaro Taïo. Les coiffés longs, fuis face au fléau, fléau. Fléau d'armes, parle dans le dos, rejoins le très haut. Je poutre les gueux hors du sentier, traque les mécréants, les changeant palefreniers. Servitude dévouée, les pieds calés dans mes étriers, sur mon fier destrier. J'entrepaille au nom de mes armoiries. Et nous compterons nos glorieuses batailles lors d'un banquet. Flashback sur nos conquêtes passées, entre deux gibiers plantés. Au centre de la table ronde, le blason pour que tous n'oublient pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Et possédez un pouvoir effrayant. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Soldat constat, vu de haut la plaine se dessine. Trace la fresque pour mon estime, sur feuille mortalise la. La féonie a failli, veni, viti, viti. Mais une troupe résiste avec la harne du désespoir. Dans ce cas, le légalec entre en action. Force mais de croire qu'il faut un exemple. Capitaine en haillons. Allons-y donc fils, consultez les grimoires. Tentant qu'ils sombrent dans la folie. Qu'importent les méthodes, le nombre ignoble. Donc serais-je que capitule les issues volées sous ma colère. L'échec n'a pas de sens, vois le champ de bataille. Un château réduit en cendres, les troupes en tenaille. L'enchante dame vient de supplier jusqu'à faire don de leur corps. Mais le feu est mort, la paille n'offre plus de confort. Reviens à la réalité, MC choisis donc ici. Maintenant ton camp, c'est ton dernier choix. Subis la mort ou la loi, jeter le gant. Il n'y a respect, un duel avec le duc. Ton âme appartient déjà à Stormbringer. Ce halo noir qui surplombe ma victoire. Moi du haut de la falaise, bras croisés, ma botte sur un coin. Lieutenant, rassemblez la horde de loups. Vite rejoindre Shuriken pour la dernière joute. En route, si vous croisez un étendard avec une flamme encore intacte, brûlez puis tranchez les têtes des princes. Je finirai les incantations pour protéger enfin la maison mère. Mars éradiquer ses rapaces, eux ou nous. Les astres ont choisi, alors la prophétie fatale s'accomplit. Le hip-hop des chaînes sont courroux. Une vision loin, mon frère, ce rictus. Carnassier rituel pour fendre ses adversaires de sa selle. Mon épée démoncifle, un chant sourd qui m'enivre. Éperonne ma monture, cap, charge droit devant. Les cendres et les corps témoigneront que tout le monde se souvienne ici-bas. La garde meurt mais ne se rend pas. Seulement deux hommes ont réussi à survivre. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. La garde, kiff kiff, Koska, Zadir, tantôt, représente pour le CO. Ouais, les affranchis, le squad, Godimar, représente la garde, tu le sais. La Planète Rap, Nocturne, sur Skyrock. Nocturne. Soleil et mes lunes, j'emporterai tous les soleils et les dunes, tous les palais, les jardins, l'or vu dans mes sommeils et mes plumes. Je rendrai au nu la pluie d'étoiles qui est tombée sur terre de la voûte céleste. Moi, sommaire poussière assise sur la croûte terrestre. Regard nébuleux, car mes songes portent aux éthers. Point de vue fabuleux, insuffle l'air neuf pur au cœur de mes feuilles et mes vers. Mansarde ouverte sur une cité de lumière, l'horizon se perd sur des tours et des dômes. Des cibles havres de paix pour des femmes et des hommes. Pour rouge, porter une source pure, jaillit d'un rocher que jamais l'aventurier n'a touché. Ni l'aîné pour ses sœurs et ses frères. Cavalier fier, porteur d'amour au fond du super. Chacune de mes prières sert Dieu, père maudit Lucifer dans la soie de sa marquante. J'envelopperai mes douces pensées pour vous et votre mère. Penserai toutes mes blessures au cœur de mon âme et ma chair. Ne voyez pas l'univers comme une frontière entre sombre et le clair, le sabre et le clair. Catégorie les classes comme le notaire et le clerc. Je poserai au-dessus de vos têtes un bouclier fait de cuivre de fer où Dieu scellera notre union éternelle comme le tonnerre et l'éclair. Je dépose ma vie à vos pieds, je n'en ai qu'une, elle est chère. Pour mes soleils et mes lunes, je ferai du futur une épure sainte de lecture. Je chasserai la peur et ses brumes pour que vos rêves restent sur refuge, le ciel murmure. Je paverai les rues des lentes de mon cœur pour que vos pas soient sûrs. Parce que chaque jour se fait rude par nature. Pour mes soleils et mes lunes, je ferai du futur une épure sainte de lecture. Je chasserai la peur et ses brumes pour que vos rêves restent sur refuge, le ciel murmure. Je paverai les rues des lentes de mon cœur pour que vos pas soient sûrs. Parce que chaque jour se fait rude par nature. Je rentre les deux pieds dans la tornade de mes nerfs. Entre la plume et la pierre, ma prose loge. Et seul et je ne sais quoi faire, j'appelle votre nom. Mille qui me viennent aux oreilles et graines autant plus précieux qu'une pierre rare. Une guerre rare génère une rare terre. Je marque du cerveau du pieu de ces deux hémisphères. À l'ombre des sycomores, on philosophera sur la genèse de ce mystère. Comme un jeune fan pris par un aigle entre le bec et les serres, l'entrave et le fer. Je verrai vos chaînes et je viendrai pour les défaire. Je l'aigrai au fond d'une armoire en recueil métaphorique comme un attoupement. Célébrant une nouvelle génération poétique et l'hiver. Un de ces mois rudes où le blizzard glace les rivières. Mon sac sera rempli de dates et de vent du désert. D'un rayon plus art, d'une galaxie qui décline sous le poids, les âges s'écroulent sur elle-même. Je compterai cette histoire pour qu'elle m'aime. Mon

mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. On peut construire vu les connaissances qu'on a. On peut détruire quand l'ignorance est là. Civilisé. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. C'est fini pour la nocturne 100% rap français cette année 2000. Après tous ces sons, les Bleus ne peuvent que gagner face au Portugal dimanche soir. Ce sera à vivre sur Skyrock dès 20h45. On sera en direct avec toute l'équipe pour vous faire vivre cette finale de l'Euro 2016. Merci à vous tous d'avoir veillé tard. Fabuleux est là, prêt à prendre le relais. Yabdou était dans la maison ce soir. Le jeune Gage. Le jeune Gage. Guapa était dans la maison. D'Hippolyto, viens là. Viens nous montrer ton torse. Viens nous montrer ton torse compact. Hein, ça va? Ça va et toi? Bien? Ouais. Le mec il arrive, il me caresse un téton, il est fou ce mec là. Vas-y, faites-le sortir tout de suite, il est totalement dingue ce mec là. Et je vais te balancer ça. Je te balance ça sur la tête, moi. Une dédicace à vous tous d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette nocturne 100% rap français. Dédicace à Boudjema du 26 en direct de la A9 et de son camion. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nocturne 100% rap français qui s'achève maintenant. C'est reparti, rap R&B en non-stop. Fabuleux, on y va? Ouais, t'as pas gagné à l'euro million tout à l'heure, tu m'as dit je serais pas là. J'ai pas regardé, gros, putain. Bah toi, je me casse avant que tu regardes. Si je suis blindé, je reprends le micro. Bonne nuit, rendez-vous allez dimanche et allez les Bleus. Du rap et du R&B. An R&B. Non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.